Yippie-ki-yay, motherfucker. T'es non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Kick Morant is dead. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Transmission, la table ronde cinéphile qui fait le grand écart entre le cinéma d'auteur et la pop culture. Alors, confinement oblige, la table ronde n'en a plus que le nom, étant donné que nous sommes chacun derrière notre écran, mais nous avons décidé, qu'à cela ne tienne, de continuer à parler de cinéma, même à distance. Alors, selon la formule consacrée par notre maître, je dirais, je suis encore une fois bien entouré, car derrière chaque écran se cache quelqu'un. Monsieur Manuelas, est-ce que vous êtes fidèle au poste ? Tout à fait, Julien. Salut, salut, monsieur Lucien Alflans, comment allez-vous ? Ça va et vous ? Très bien, en train de grignoter, bizarrement. Et monsieur Olivier Grinard, est-ce que tout roule dans le nord de Bruxelles, Olivier ? Très bien, merci beaucoup, bonsoir à tous. Vous aurez peut-être remarqué un changement aujourd'hui, puisque ce n'est pas Olivier qui présente de sa douce voix. Donc, avant l'avalanche de tweets que nous recevons sans doute d'internautes déboussolés et qui sont déjà fous de colère, je peux leur dire, rassurez-vous, ce n'est qu'un changement ludique le temps de l'émission. Il n'est pas destiné à tenir sur le long terme. Ce soir, émission spéciale, à l'occasion de sa ressortie chez Spectrum Film en Blu-ray, dans une magnifique copie restaurée, nous allons aujourd'hui traiter de Yang Hu, selon son titre original, ou pour nous, The Bride with White Hair, film hongkongais de Ronnie Yu. Alors, le film que mes trois compères aiment particulièrement, il est sorti en 1993. Il réunit à son casting deux énormes stars du cinéma hongkongais, à savoir Brigitte Lin et Leslie Cheung. Le long métrage raconte l'histoire de Yi Hang, élevé depuis la naissance par le clan Wu Tang, afin de devenir un épéiste chevronné. Durant son apprentissage par son maître, qui voit le gamin comme son successeur, Yi Hang fera la rencontre d'une redoutable guerrière orpheline, qu'on surnomme la Louve, et dont il tombera éperdument amoureux. Donc c'est une sorte de Roméo et Juliette dans les clans chinois, on peut dire. Le film a été l'un des plus grands succès de la carrière hongkongaise de Ronnie Yu, et je sais pas, je peux laisser la parole à notre spécialiste S-cinéma asiatique, qui peut nous parler un peu du contexte du film ou de production, Manuelas, je sais pas si tu as quelque chose à nous dire. C'est déjà un film un peu particulier dans la carrière de Ronnie Yu, puisque c'est un film qui va le faire connaître sur la scène internationale, et qui va lui offrir un passeport pour tourner à Hollywood. Donc Ronnie Yu, il a un statut un peu particulier dans le cinéma hongkongais, car c'est un nom qui n'est pas forcément immédiatement identifié avec la nouvelle vague hongkongaise. C'est un courant qui a émergé à la fin des années 70, avec Choya, Ringo Lam, John Woo pour le plus connu, Kirk Wong ou An Yu, et ben justement Ronnie Yu, qui est moins identifié avec cette nouvelle vague, alors qu'il a signé à la même époque ses premiers films. Il signe son premier film en 79, la même année où Choi Hark, lui, va signer un des grands films manifestes de cette nouvelle vague hongkongaise, qui est Butterfly Murder. Alors que lui, comme Choi Hark, a fait ses études plutôt en Occident. Ben oui, c'est un parcours commun avec beaucoup de réalisateurs de la nouvelle vague qui, pour beaucoup, ont fait leurs études en Occident. Ronnie Yu, lui, il est connu plus pour sa carrière américaine, à savoir ben, La fiancée de Chucky, Jason contre Freddy ou Le 51e État. Et en fait, beaucoup moins pour ses films hongkongais qui ont été assez peu distribués en France. Même The Bride with White Hair, qui avait reçu le Grand Prix du Festival de Gérardmer, il est sorti que 2 ans plus tard chez Studio Canal, qui en détenait les droits. Il faut rappeler qu'à cette époque, il y avait beaucoup de films de Hong Kong qui ont souvent été assez mal distribués. Et donc Ronnie Yu, qui a la caractéristique d'être un cinéaste qui a œuvré dans plein de genres différents, et contrairement par exemple à un John Woo, qui est directement associé au polar Hard Boy, le fait que le nom de Ronnie Yu ne soit pas identifiable à un genre particulier, ça a quand même beaucoup joué dans sa reconnaissance tardive. Et donc c'est vraiment avec Django, The Bride with White Hair, que Ronnie Yu vraiment se fait un nom. Mais c'est particulier aussi parce que c'est un cinéma que j'aime beaucoup. Et pareil, moi, j'avais jamais vu aucun film hongkongais de Ronnie Yu. J'avais vu la majorité de ses films américains. Et c'est assez particulier de... Comme on le dit souvent quand on parle de classiques, de premiers films, comme on avait pu le dire pour Paul Verhoeven et son Spetters, c'est assez marrant de voir que Hollywood va chercher un gars comme ça pour réaliser des œuvres de studio, alors que c'est quand même un film qui met très en avant sa singularité, quoi. En même temps, bon, après on peut aller plus loin et dire que c'est pas tant que ça qu'Hollywood aime bien prendre des cinéastes un peu singuliers et les formater. Bon, voilà, mais c'est étrange de se dire que ce mec est en tout cas dans mon cas, était plus connu pour sa carrière américaine plutôt que chinoise en Congrès. Oui, et puis ça a beaucoup à voir avec ce que je disais auparavant. C'est, ces films-là, ils ont été extrêmement mal distribués, et voire même ghettoisés. Il a fallu vraiment, en France, un travail de critique, de distributeur militant pour que ce cinéma-là, il émerge de ce qui était un peu les bas-fonds des vidéoclubs. Il a fallu une revue comme HK qui était vraiment conçue comme une revue de prestige avec du beau papier, une belle iconographie, un travail de fond sur ce cinéma-là. Et la collection du même nom qui était dirigée par Christophe Gans pour que ce cinéma-là, il acquiert vraiment une certaine légitimité et une visibilité. Il y avait quand même quelque chose de très paradoxal parce que partout à l'international, tu avais des Oliver Stone, des Joel Silver, des Tarantino ou des Scorsese. Bref, tout le gratin hollywoodien qui voyait qu'il y avait un courant très fort qui émergeait. Et de l'autre côté, tu avais un film comme le film de Ronnie Yu qui était rangé dans les placards de son distributeur, quoi. Eh ben, justement, on peut continuer. Moi, si on a décidé de changer les rôles, notamment, c'est parce que moi, j'ai vu le film, je l'ai même revu, du coup, une fois de plus. Et c'est un film pour lequel je passe totalement à côté. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'être perdu dans un truc, dans un univers inconnu, j'ai l'impression de manquer de code. Mes chers amis, est-ce que ce film, il demande des codes particuliers de spectateurs ou presque une initiation à ce genre d'univers? À mon avis, pas tant que ça. Le film de Ronnie Yu, justement, il a été assez critiqué comme étant un peu une tentative de normaliser le genre du Wuxapian, qui est, pour résumer assez simplement, c'est un peu l'équivalent de nos films de chevalerie. C'est des reproches qui ont été, par exemple, adressés plus tard à Tigre et Dragon. Cette idée de dévoyer un peu le genre, de chercher à l'anoblir, de le lisser, de le rendre plus acceptable. Donc non, pour le coup, je pense pas vraiment que c'est un film si inaccessible pour un non-initié. Pour moi, c'est un gros plaisir cinéphile, c'est un gros plaisir visuel permanent, c'est un gros plaisir. Et donc, qu'on soit initié à ces codes-là ou pas, il y a un plaisir, il y a un plaisir de la caméra, il y a un plaisir de la photo, il y a un plaisir. Bon voilà, il y a un vrai plaisir de cinéma, même en dehors des codes qui peuvent parfois être un petit peu singuliers, mais pas tant que ça, ou en tout cas pas plus que beaucoup d'autres films. Cheyark, auquel on pense, auquel le film fait même référence à plusieurs moments, Fantôme chinois, Zou, Histoire de fantôme chinois, Zou, etc. Moi, je pense quand même que si tu n'as jamais vu un film de Hong Kong, ça peut être un peu surprenant. C'est quand même un film qui recourt à des codes qui sont typiquement de ce type de cinéma. Je veux dire, par exemple, rien que les gerbes de sang ou le jeu des comédiens extrêmement outranciers. On est dans quelque chose qui n'est pas forcément identifiable pour justement quelqu'un qui n'aurait pas vu les films de Choi Ark. Oui, mais c'est quand même un film qui est d'une certaine façon très resserré, contrairement à beaucoup de Wuxapian, où il y a quand même l'intrigue politique qui est vachement à l'avant-plan, où quelquefois on peut se perdre un peu dans les méandres des différents personnages. Là, c'est quand même un film très resserré autour de ces deux acteurs principaux et par extension de leur antagoniste. Oui, mais là, tu parles à un niveau narratif, en fait. Au niveau stylistique, pour moi, c'est vraiment le type de film début des années 90, Hong Kong, populaire, c'est vraiment ça que je me figure, tu vois. Mais c'est vrai que après, comme tu le disais très justement, Manu, l'intrigue se resserre sur ces personnages et ne va pas aller dans des espèces de circonvolutions autour d'intrigues politiques et de clans et de sous-clans. Ouais, et en plus, tu sens très clairement que c'est quelque chose qui intéresse pas Ronnie Yu dans ce film-là. C'est pas du tout un aspect du Yuxia qui traite. Mais non, mais justement, il y a quelque chose qui m'a intéressé en revoyant le film. On pourrait s'attendre à ce que ce soit un film relativement manichéen, mais finalement, les deux clans sont quelque part mis en balance et le clan Wu-Tang n'est pas spécialement représenté comme étant le bien absolu, et même plutôt avec des pratiques relativement sanguinolentes, qui fait que les héros en fait deviennent le miroir l'un de l'autre, quoi. C'est vraiment les deux personnes qui veulent quitter des clans qui sont aussi mauvais l'un de l'autre. C'est la dichotomie, la détestation rigoureuse qu'il y a entre les clans que Yu prend plaisir à fustiger, même à certains moments à ridiculiser, voilà, parfois visuellement. Je pense au prof en début de film, c'est à ce qu'il raconte, ou même quelque chose qui fonctionne très bien pour moi, c'est le jeu qu'il y a sur les couleurs entre ces clans, etc., qui finit par former quelque chose de très chaotique et quelque chose que ouais, voilà. Moi, j'ai l'impression qu'à certains moments, Ronnie Yu ridiculise un peu cette guéguerre-là. Par ailleurs, j'ai pas lu le roman originel dont est tiré le film. Mais apparemment, ce qu'on entend dire du réalisateur lui-même, c'est que c'était sa volonté en effet de faire une sorte de Roméo et Juliette en mandarin, en mettant en avant le côté lutte contre le destin plutôt que le côté politique et martial du roman originel, quoi. Tout en gardant, pour ce qui est le plus parlant dans le film, ce qui est très parlant dans le film, c'est le discours sur les traditions chinoises qui s'étiolent. Ça, visiblement, il a voulu en faire quelque chose. Oui, mais après, l'aspect romance à la Roméo et Juliette, qui est effectivement prégnant dans le film et qui est revendiqué par Ronnie Yu, pour moi, le cœur même du film, c'est vraiment l'ambivalence du sentiment amoureux. Parce qu'il y a vraiment, vraiment quelque chose de très singulier dans le choix même du casting du film, où tu as un personnage masculin au trait doux et efféminé qui est Leslie Cheung, et à l'opposé t'as ce personnage incarné par Brigitte Lin qui a des traits beaucoup plus durs et beaucoup plus masculins. C'est quelque chose d'assez trouble qui est même poussé dans le choix d'une jeune fille pour incarner le personnage de Leslie Cheung enfant. Donc il y a vraiment quelque chose qui se joue sur le caractère vraiment ambivalent du sentiment amoureux avec ce personnage de Siamois. Et qui, pour le coup, en plus, il faut se séparer au sens propre comme au figuré. Bah, je suis absolument d'accord avec ce que tu dis. Maintenant, il fait quand même... On peut quand même voir... Moi, je comprends tout à fait la référence autoproclamée à Roméo et Juliette, dans le sens où, bon, ici, les familles sont remplacées par des familles martiales. Et il y a quand même bon, le fameux clan Wu-Tang qui donnera son nom à un célèbre groupe. Et c'est plutôt les différences sociales ici deviennent plutôt une lutte contre le bien contre le mal, et comme je le disais plus tôt, les gardiens de la tradition taoïste contre les je sais pas si on peut dire les païens, enfin les dissidents. Les dissidents, on va dire, voilà. Donc il y a quand même le parallélisme, il est là, quoi. Vous l'avez dit, l'intrigue elle est très resserrée finalement, elle est plutôt autour de 2 voire 4 personnages, mais je repensais à... Alors, vous avez démonté un film que j'avais plutôt aimé, qui est Uncut Gems, des frères Safdie, et en gros, vous disiez que on n'y comprenait rien, que c'était bruyant, et que c'était tapageur. Alors, les deux films n'ont absolument rien de comparable, on va pas essayer de les analyser l'un et l'autre, mais ici, je ressens la même chose, c'est-à-dire que visuellement, c'est inventif, mais le découpage... Par exemple, la scène de bataille finale, moi, la première fois que je l'ai vue, j'étais complètement perdu. Je trouvais ça foutraque. Je comprends qu'on puisse ne pas rentrer dans le film à cause de sa narration qui est extrêmement resserrée. À certains moments, c'est-à-dire que si tu détournes les yeux 10 secondes de l'écran, t'es perdu. Et encore plus, à côté de ça, la mise en scène file à une vitesse dingue. Mais j'ai l'impression que et l'un et l'autre, enfin le film en général, ne prend jamais le spectateur pour un con. Parce que si c'est tenant et aboutissant, paraissent extrêmement simples, ils sont jamais répétitifs ou appuyés. Et c'est pour ça qu'il se permet que ça file. Maintenant, pour répondre à ta question directement, moi, j'ai à aucun moment l'impression de voir une scène qui est foutraque. Hein. Je les trouve toutes... l'affrontement final, je le trouve dingue, si c'est à ça que tu fais référence. Ouais, en tout cas, j'ai dû être visuellement, effectivement, très attentif pour comprendre exactement ce qui se passait dans la transformation, dans les cheveux qui s'enroulent. Enfin, bon, là, je dis les premiers exemples qui me viennent. Mais après, Olivier l'a dit, c'est que c'est très baroque, c'est très excessif. Tous les bruitages sont accentués, les épées, les coups de bâton, tout ça est... J'allais vous demander en quoi cette forme de décalage qui donne un aspect très irréaliste parfois au film, est-ce que c'est une caractéristique particulière du Wu Changpan, par exemple? Moi, je trouve qu'à l'époque, en effet, dans les films de Choyark, par exemple, si on pense à Zhu, le guerrier de la montagne magique, c'est quelque chose que tu vas retrouver, hein, le côté extrêmement outrancier du jeu, des réactions, etc. Après, j'ai trouvé que dans ce film-ci, The Bride with White Hair, c'est vraiment l'emploi des effets sonores, il fait vraiment extrêmement BD. Comme le disait Lucien en début d'intervention, c'est que c'est quand même un film qui est complètement décomplexé et qui va donner énormément aux spectateurs en termes de pur plaisir, quoi. Donc visuellement, il veut en mettre tout le temps. Tu vois, c'est un cadre en scope qui remplit tout le temps. C'est un cinéma qui met le mouvement avant tout, qui n'a rien à foutre de toute vraisemblance, va balancer des voiles à l'avant-plan ou des fumées à l'arrière-plan juste pour mettre du mouvement à l'écran. Il y a le mouvement, mais il y a un travail. Quand je parlais de plaisir cinéphile, de plaisir visuel, je faisais aussi référence. En effet, il y a le mouvement, il y a ce dont tu viens de parler très bien, Oli. Mais il y a même... tu arrêtes les images, ça fonctionne aussi. Je veux dire, il y a un travail... toute la direction artistique, comme on dit vulgairement, est vraiment sublime. Particulièrement, je trouve en effet les costumes de Amy Wada. Les décors qui sont très très beaux peuvent à certains moments paraître un peu cheap. Moi, à aucun moment ça me dérange parce qu'ils sont beaux en fait. Ils sont pas crédibles, ils font un peu toc, mais ils sont beaux. Justement, sur les décors, il y a quelque chose de très assumé. C'est l'aspect complètement opératique de ce récit-là. Et ça, c'est quelque chose que tu trouves dès la séquence d'intro, qui est vraiment construit et conçu comme une scène d'opéra, d'ouverture d'un opéra, et qu'on va retrouver en plus une séquence miroir qu'on va retrouver à la fin. Contrairement à beaucoup de films de Hong Kong de la même époque qui peuvent parfois paraître un petit peu plus brouillons ou plus foutraques, pour moi, le film de Ron Yu, c'est vraiment un film extrêmement cadré, très contenu. Je vois vraiment rien de brouillon dans son mode d'exécution. Je trouve que les chorégraphies n'ont pas pris une ride, sont super inventives. Et aussi la manière dont Peter Po et Ronnie Yu ont fait le choix de tourner ces séquences d'action qui ont été tournées, je crois, donc à 16 images secondes, puis ensuite développées à 24 ou 36 images et qui donnent vraiment un aspect extrêmement chaotique au combat, quasiment pris sur le vif. Et c'est quelque chose qui va faire date puisque l'année suivante, on va retrouver ce même type de mise en scène autour des combats chez Wong Kar-wai dans Les Cendres du Temps. Juste à propos de cette prise de vue, je crois que c'était même 10 images secondes. Et qui a ensuite donc remis à 24 images secondes pour donner cet effet accéléré. Brigitte Lin et Leslie Cheung, à la différence de pas mal d'acteurs justement du cinéma hongkongais de l'époque, ne sont pas des athlètes, ne sont pas des combattants. En fait, ils se battaient pas vraiment très bien, quoi. Ils pouvaient pas faire illusion si jamais ils gardaient la vitesse de défilement normale. Et c'est pour ça en fait qu'il a imaginé ce stratagème. Oui, mais c'était quelque chose qui était à l'évidence là dès le casting, parce qu'au-delà de l'aspect martial, une grande partie de l'histoire, elle est racontée à travers les yeux, ou du moins à travers le regard des personnages, et la manière dont Ronnie Yu va se rapprocher de plus en plus des visages de Brigitte Lin et de Leslie Cheung, et qui sont pour le coup deux acteurs extrêmement expressifs. Même moi qui n'ai pas aimé, c'est vrai que ces regards dans cette scène finale sont très beaux, effectivement. Enfin, il y a un travail iconographique en fait. Enfin, le premier moment où il y a ce gros plan sur ses yeux quand elle va défendre les villageois là de nuit. Dans une séquence qui m'a fait beaucoup penser à Conan le Barbare. La dernière image de cette scène après sa confrontation avec Leslie Cheung, je crois, c'est un arrêt sur image où elle a son arme qui est une espèce de drap, hein, de drap enroulé comme ça, qui part derrière elle et il va y avoir un arrêt sur image. En fait, Ronnie Yu va vraiment aller au maximum pour iconographier à mort ce personnage-là et c'est assez réussi, je trouve. Pour revenir à ta question de base, Julien, quelque chose qui peut décontenancer, mais qui, moi, me fascine dans le film, c'est qu'on sent qu'il a envie, peut-être pas à tout moment, mais très régulièrement, bon, d'abord d'être inventif tout le temps, mais aussi de s'affranchir un peu de certaines règles assez dogmatiques du cinéma. Pour donner un exemple plus concret, j'adore la manière dont il trouve quasi systématiquement une idée différente pour dynamiter chaque champ contre champ. Il va te filmer le personnage A, et puis il va panoter extrêmement vite sur l'autre personnage, revenir dessus comme ça trois fois, et puis au dernier plan de ce champ contre champ, il te filme toujours le personnage A, et puis il fait un travelling arrière pour capter le... Enfin, tu vois, c'est des trucs qui sont hyper inventifs. Moi, ça me fascine de voir ça. Je sais, enfin, voilà. Ouais, c'est extrêmement inventif, et c'est surtout porteur de sens, parce que tu as une direction d'acteur qui est extrêmement précise. C'est quelque chose que tu retrouves dans la composition des cadres. Il y a notamment toutes ces séquences de confrontation que tu as entre Brigitte Lin et les deux frères et sœurs siamois, qui sont souvent donc visualisés collés dos à dos. Et en même temps, tu as Brigitte Lin qu'on retrouve le plus souvent elle-même qui leur tourne le dos. Donc il y a vraiment un jeu extrêmement précis sur la direction des regards, qui regarde réellement qui, pour vraiment te faire comprendre le sens caché de la conversation. Mais c'est aussi que sa mise en scène et son découpage épousent assez bien l'étrangeté, même par instant le mysticisme du récit. Et ce genre de choses, ça rentre un peu dans cette idée-là, je trouve. Et dans cette même idée, je trouve que la photo dont tu parlais tout à l'heure, de Manu, de Peter Po, qui est donc le gars qui a bossé avec John Woo, Choi Hark et Ang Lee sur Tigres et Dragons, que je trouve génial tout le long du film, épouse aussi vraiment cette étrangeté et utilise vraiment tous les éléments. Je parle des éléments feu, eau, air, etc., que le film utilise dans sa narration, les utilise visuellement, et il fait un truc qui est très particulier. et un peu irréel visuellement, qui est dû, d'abord, c'est une volonté de mise en scène, ça c'est certain, mais qui est aussi dû au fait que pour coller aux exigences de You, ils ont dû tourner tout le film en studio, et entre autres, tourner aussi les scènes de jour en studio. Donc toute cette lumière étrange, toute cette lumière dans les volutes de vapeur et de fumée, donne vraiment un côté irréel aux images qu'on voit. Ouais, ça fonctionne à plein régime, mais ça crée vraiment un film univers, un film un peu monde qui est vraiment refermé sur lui-même. Mais en fait, c'est aussi un film qu'ils ont dû tourner, en effet, en studio et qu'ils ont dû tourner de nuit parce que les costumes étaient très lourds et que c'était l'été, en fait. Ils ont dû tourner l'été qui faisait 40 degrés, quoi. Au bout d'un moment, je regardais le film et je me disais, mais il n'y a aucune scène de jour dans ce film. Il y a vraiment très, très peu de scènes de jour. Je crois qu'il y en a deux. La première, c'est avec un fond peint. C'est au début, dans le flashback avec le criquet, là. Elle est assez belle et la dernière, c'est quand Leslie Cheung, à la fin du film, rentre dans le temple et qu'il découvre que son mentor a été assassiné. Et derrière, c'est juste qu'il a cramé l'image derrière. Donc en fait, on ne voit que du blanc. Donc il n'y a pas le paysage puisqu'on est à l'intérieur du temple à ce moment-là. J'ai peut-être une tentative d'explication sur le fait qu'on appelle Ronnie Yu à Hollywood après. C'est que j'ai l'impression quand même que c'est un film qui fait énormément avec très peu de moyens. On parlait de Samuel Fuller il y a deux émissions, et ici j'ai vraiment l'impression que c'est un film qui va essayer de chercher à maximiser ses effets avec un minimum de thunes. Souvent, on parlait de la lumière ici, mais souvent il n'y a pas de fond, ou le fond est juste noir. Par exemple, quand l'enfant a volé la chèvre au début, on voit vraiment que c'est quand même trois touffes d'herbe qui ont été mises sur un fond noir, quoi. Quand le siamois, la première fois que tu vois le siamois, Ronnie Yu va te faire passer un effet et un truc narratif qui est que le siamois est super fort. En gros, il a un peu la force, c'est un peu le côté obscur ou quoi. Il va faire un geste très remarquable avec sa bouche. Il va y avoir un effet sonore et tout de suite, il va percuter ça avec un gros plan du type qui s'est fait, qui a été la cible de l'attaque de ce siamois, avec le mec qui va gerber du sang par terre. Et juste avec un effet sonore et un gros plan bien senti, ben il va installer déjà une particularité de ce personnage et ça va l'effet va fonctionner à 200%, quoi. Donc voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas cher et très efficace. Ben, c'est probablement que s'il a été appelé Hollywood, si on est venu le chercher, c'est parce que il arrive à faire des belles choses en studio. Maintenant, je sais pas si je connais pas le budget du film, mais j'ai lu qu'ils avaient dû construire un studio pour le film, etc. Je sais pas si c'est un film si fauché que ça. C'est un film qui va jamais mettre son ambition de formelle de côté, quitte à parfois laisser dans le plan deux ou trois choses qui pourraient paraître peu produite, on va dire, mal produite. Tu disais même que c'était un film à montrer dans les écoles de cinéma, pratiquement. Mettre l'ambition avant toute chose, quitte à utiliser un peu un côté débrouillard, quoi. Oui, après, on a beaucoup parlé de l'inversion formelle du film, mais ce que montre quand même The Bride with White Hair, c'est que Ronnie Yu, c'est un conteur à un narrateur accompli. T'as une des séquences, pour moi, clés, qui intervient justement dans l'affrontement final, cet affrontement final qui a tant fait grincer les dents de notre Julien Rambaud national. C'est ce moment-là où tu as Brigitte Lin qui s'adresse au personnage de Leslie Cheung et qui va lui jeter au visage toute sa vérité, toute son hypocrisie d'une certaine façon. C'est vraiment un moment clé et charnière du récit auquel Ronnie Yu t'a préparé tout au long du film et qui vraiment éclate à ce moment-là et qui est déchirant, qui te prend aux tripes et à la partie. Je n'ai pas dit que je ne l'avais pas aimé, j'ai dit que je ne l'avais pas compris, ce qui est peut-être pire d'ailleurs. Mais pour revenir sur la narration, il y a des trucs qui me... Tu dis que c'est un conteur, mais moi, il y a des choses que je vois, des personnages secondaires, comme un général, par exemple, qu'on voit, je ne le vois pratiquement plus après, je ne sais pas ce qui devient. Il y a le bijou jade qu'on donne à Leslie Cheung, qu'après, voilà, il ne donne pas grand-chose dans la narration. Alors là, pour le coup, je ne suis vraiment pas d'accord avec toi. C'est vraiment utilisé dans la narration. Tu as deux trophées qui sont confiés à Leslie Cheung. Le premier, c'est effectivement cette pierre de jade que lui confie la fille de l'intendant. Et justement, tu as une scène extrêmement violente qui va s'en suivre puisque Leslie Cheung a confié cette pierre de jade à un jeune paysan et elle va lui apprendre qu'elle a récupéré cette pierre de jade et qu'elle a tué ce jeune paysan et c'est une séquence glaçante et en plus Ronnie Yu a l'intelligence de de pas la mettre plus haut dans le récit. Elle, il la surdramatise pas. Leslie Cheung, il a à peine le temps de montrer son dégoût, son effarement. Et un peu plus tard dans le film, t'as Leslie Cheung qui reçoit un deuxième talisman qui lui est accordé pour mener à bien une mission qu'il n'a pas envie de mener. Et alors qu'il est ivre ce soir-là, il va sortir ce talisman et le montrer au personnage féminin pour lui signifier un petit peu tout le dégoût qu'il a vis-à-vis d'elle. Et c'est vraiment quelque chose qui est traité dans le récit, c'est vraiment pas quelque chose d'anecdotique. Non, mais par rapport à cette scène finale, en effet, moi je trouve que le climax fonctionne à plein régime. Déjà, je trouve qu'il est très lisible. Par exemple, c'est quand même assez compliqué ce qui se passe entre la jeune fille qui est amoureuse de Leslie Cheung, qui va attaquer Brigitte Lin, et puis après il y a tout ce moment où elle va elle-même quelque part se donner le coup de grâce. C'est quand même, il y a plusieurs personnages, il y a les actions sont complexes et ça fonctionne extrêmement bien. Et aussi, comme le disait Manu, ça fonctionne extrêmement bien au niveau dramatique parce que en effet la trahison, t'as eu le passage à tabac juste avant qui est quand même croquignolet et t'as tout le moment où elle part de la secte et elle se fait lyncher. Et puis t'as ce moment-là où elle se retrouve trahie. Enfin, ce qu'elle croit être une trahison par Leslie Cheung, et je trouve que dramatiquement, ça fonctionne vraiment très bien, et tu comprends, enfin, c'est comme une scène où tu verrais une super vilaine qui serait en train de d'éclore devant tes yeux, mais en même temps, tu comprends tellement sa rage à ce moment-là que t'es content qu'elle va tuer tous les membres du Wu-Tang qui sont quand même censés être les gentils, enfin, entre guillemets, les gentils de l'histoire. Il y a dans le film... une scène d'amour incroyablement lascive et qui est prédite plutôt d'ailleurs dans le film par une sorte de suçage de sang vicié qui est assez sensuel et étonnant. Enfin, moi, j'aime cet instant dans le film m'a à la fois surpris et plu. C'est là aussi que je disais que c'est un cinéma très décomplexé, quoi. Genre, quand ils font une scène de cul, on y va, quoi. Et comme on sait que Julien est particulièrement sensible à ce type de scène, hein, voilà, je voulais savoir ce que t'en avais pensé. Eh ben, pour le coup, j'ai trouvé ça très bien. Et tout ce dialogue où il lui trouve un nom, pour le coup, c'est les scènes où j'étais complètement avec eux, plongé avec eux, parce que effectivement, au niveau des sensations, il se passe quelque chose de fort. Ouais. Non, j'ai aimé cette scène. Et au niveau de l'ambiguïté sexuelle entre les Siamois, c'est pas mal aussi, je trouve. Ah, ça. Ouais, et puis en plus, l'ambiguïté sexuelle, elle se retrouve dans tout le film, dans le personnage des Siamois, dans le cast. Et aujourd'hui, en plus, elle est accentuée par le fait que des années plus tard, après la réalisation du film, Leslie Cheung ait fait son coming out. Donc vraiment, cette dimension sexuelle, elle est vraiment au cœur du film. Eh bien, merci messieurs pour cette émission. On va arrêter là, je crois qu'on a été assez complet sur le film. Il ressort donc chez Spectrum Film, en Blu-ray, en support physique, donc vous n'hésitez pas à le revoir. Et pour ma part, je vais aussi encore me refaire un visionnage pour rejoindre mes camarades. Merci à toutes, merci à tous, merci à vous les amis. Merci Julien Romeau, notre chance boudroie nous. C'est trop d'honneur que vous me faites. Eh ben, merci beaucoup et à bientôt.